Je déjeune avec Lucie à midi et quart. 2. Le film est à 8h moins le quart. 3. Le cours commence à 10h moins 5. 4. Rendez-vous à la sortie du métro à 6h moins 10. 5. Le bar ferme à minuit. 6. J'ai une réunion à 10h30.